Chapitre 2e. Il entrait dans le plan qu'Adolphe s'était tracé avant de quitter Paris, de rester quelques jours à Genève. De là, il partirait chaque matin pour faire des excursions dans les environs, à Ferney, au Salève, au Voiron, à Divonne. Il avait pioché les guides en Suisse et il était ferré sur les divers itinéraires qu'il devrait suivre. Lorsque le train eut dépassé Bellegarde, il commença à expliquer ses projets à Juliette et à lui annoncer à l'avance les curiosités qu'il verrait. Le château habité par Voltaire à Ferney, la vue du Mont-Blanc au Salève, la table de travail de Madame de Staël à Coppet. Elle l'écouta sans faire d'objection. Il avait arrangé ses promenades, elle les acceptait. Mais lorsqu'après être sortie de wagon, elle descendit en voiture la rue du Mont-Blanc, au milieu d'une ville régulièrement bâtie, aux rues larges et droites, bordée de grandes maisons ayant pour tout caractère de ressembler à toutes les maisons de produits que les architectes construisent depuis 30 ans, elle se dit que ce n'était pas la peine de quitter Paris pour le retrouver au pied des Alpes. À quoi bon quitter une ville pour une autre ville, une foule pour une autre foule, la curiosité de ceci pour la curiosité de cela? Car cette curiosité qui l'avait fait rougir dans la gare de Paris l'avait poursuivi en voyage, à Mâcon, à Bourg, à Ambérieu, à Culose, à Bellegarde. Partout, il y avait eu des arrêts de plusieurs minutes. Deux ou trois de ceux qui l'avaient le plus effrontément regardé à Paris étaient venus passer et repasser devant leur coupé. L'écriteau réservé et accroché à la portière les avait empêchés de monter. Mais qui pouvait arrêter leur regard et leur sourire? Il y avait une mariée dans ce coupé. On venait voir comment elle avait passé la nuit. Pour un peu, on lui demandait des nouvelles de sa santé, et en s'en allant, on riait en faisant des commentaires. C'était évidemment fort drôle. Au reste, il faut dire que le Français, né malin, n'est pas le seul peuple qui trouve à rire dans le mariage. C'est au génie de la France, il est vrai, que revient l'honneur d'avoir créé la mariée du Mardi Gras. Mais cette supériorité artistique constatée, on doit reconnaître que comme nous, les étrangers savent pratiquer et goûter toutes les plaisanteries que peut inspirer la vue d'une jeune mariée. Juliette en fit l'expérience lorsqu'elle descendit de voiture pour entrer à l'hôtel des Bergues. Il y avait là, sur les marches du porche et dans le vestibule, des touristes diversement groupés, des Anglais, des Américains, des Allemands. Sur les dalles sonores, on entendait grincer les bâtons ferrés, et quand une porte ouverte établissait un courant d'air, on voyait les voiles des chapeaux de feutre voltiger au vent. L'accent nasal des Yankees se mêlait au parler rauque et guttural des Prussiens. Au bruit d'une voiture qui s'arrêtait sur le quai, chacun tourna la tête pour voir qui arrivait, et quand Juliette traversa le vestibule, elle eut à affronter 20 perdieux braqués sur elle. Le maître d'hôtel s'était avancé. « Une chambre, un lit ou à deux lits ?» dit-il en s'adressant à Adolphe. Juliette rougit jusqu'à la racine des cheveux. Il lui semblait que toutes ses oreilles avaient entendu cette demande et que tous ses yeux la dévoraient. « Un salon et deux chambres, » répondit Adolphe, communiquant entre elles, bien entendu. « Oui. »« Conduisez Madame Ossis, » dit le maître d'hôtel en s'adressant à une fille de service. En entrant dans le salon, Juliette alla à la fenêtre qui était ouverte. À ses pieds coulait le Rhône aux eaux bleues. Devant elle se dressait la vieille ville avec ses hautes maisons et ses clochers. Mais ce qui surtout attira son regard, ce fut à gauche une grande coulée lumineuse qui allait s'élargissant jusqu'à l'horizon. Le lac, dont les rives bordées de verdure pâle, se perdait dans le lointain brumeux. Par-dessus les arbres d'une petite île, on voyait la cheminée d'un bateau à vapeur qui déroulait dans l'air tranquille un gros câble de fumée noire. Une cloche sonnait pour annoncer le départ. « N'est-ce pas que cela est beau ?» dit Adolphe en s'approchant pour la prendre dans ses bras. « Nous pourrons passer quelques bonnes journées à Genève. »« Sans doute. » Il fut frappé de la façon dont elle avait prononcé ces deux mots. « Est-ce que Genève ne vous plaît point ?» dit-il. Elle le regarda en face. « Il faut être franche, n'est-ce pas ? » dit-elle. « Assurément. » « Eh bien, ce qui me déplaît, ce n'est point Genève, c'est la ville, c'est la foule, c'est la curiosité. Savez-vous à quoi je pensais en regardant ce bateau à vapeur plutôt que le Mont-Blanc ? C'est qu'il va partir, et que là-bas, quelque part, je ne sais où, dans ces profondeurs bleues, il doit se trouver quelque village, quelque endroit désert, où l'on serait seul. Si nous partions ? Adolphe n'était point habitué à l'imprévu. À l'avance, il arrêtait ce qu'il ferait, et quand il avait pris une décision, il l'exécutait de point en point. Mais il n'était plus dans des conditions ordinaires, et ce n'étaient plus ses habitudes qui le dirigeaient. En entendant Juliette manifester le désir de quitter Genève, il ne se rappela pas qu'il devait visiter Ferney, Coppet et Divonne, mais, prenant son chapeau, qu'il avait jeté sur un meuble, il courut à l'embarcadère du bateau à vapeur pour savoir s'ils avaient encore le temps de partir. On lui répondit que le bateau ne quitterait le quai que dans 20 minutes, et, toujours courant, il revint rapporter cette nouvelle à Juliette. « C'est plus de temps qu'il ne faut, » s'écria celle-ci. « Partons. »« Et déjeuner ?» objecta Alphonse, qui n'oubliait jamais les choses de la vie. « Nous déjeunerons sur le bateau, si l'on peut nous servir. Sinon, nous déjeunerons demain. » 10 minutes après, ils étaient installés sous la tente du Léman, dont les soupapes en pression chantaient. « Celui qui m'aurait dit hier que ce serait là tout ce que nous verrions de Genève, » fit Adolphe en riant, « m'aurait bien surpris. Cela vous contrarie ? Ce qui m'eût contrarié, c'eût été de ne pas vous faire ce plaisir. Que m'importe Genève, la Suisse, le monde entier ? C'est à vous seul que je pense. » Elle lui serra la main, puis, se penchant à son oreille, « Alors allons tout droit devant nous. » Le bateau à vapeur avait quitté l'embarcadère et, après avoir lentement remonté le courant du Rhône, il filait rapidement le long de la rive gauche du lac. « Et où irons-nous ? » demanda Adolphe, qui, n'ayant plus son itinéraire à suivre, se trouvait désorienté. « Où vous voudrez ? » ?»« À Lausanne. » »« Mais Lausanne est une ville. » »« À Vevey, alors ? » ?»« À Vevey, si vous voulez. » Jusque-là, Juliette n'avait eu que les ennuis du voyage. Elle commença à en goûter l'agrément. Si la femme avait souffert de la curiosité dont elle se croyait l'objet, et si plus d'une fois elle avait regretté de ne point passer les premières heures de son mariage à l'abri des regards fâcheux, en toute liberté et en toute sécurité, l'artiste éprouva une émotion de joie en se trouvant au milieu de ce beau lac qu'elle ne connaissait pas. Son cœur se détendit. Elle ne pensa plus qu'au spectacle qui se déroulait sous ses yeux, aux riantes villas qui se montraient çà et là dans des bouquets d'arbres, aux rives verdoyantes qui glissaient à droite et à gauche, aux hautes montagnes dont les sommets inégaux, blancs ici, noirs là, semblaient se perdre dans le ciel qu'ils cachaient. Adolphe fit servir sa table sur le pont, et tout en déjeunant gaiement en face l'un de l'autre, ils suivirent le panorama mouvant qui passait devant eux. C'était sans bien savoir ce qu'il disait qu'Adolphe avait proposé Vevey. Ce nom lui était venu sur les lèvres et il l'avait prononcé. Pour lui, ce devait être un village au bord du lac, dans la partie la plus pittoresque du pays. Mais lorsqu'en débarquant du bateau, ils tombèrent au milieu d'une ville, où les étrangers étaient au moins aussi nombreux qu'à Genève, lorsqu'en arrivant à l'hôtel des Trois Couronnes, ils trouvèrent les mêmes Anglais, les mêmes Américains, les mêmes Allemands, les mêmes voiles verts, les mêmes lorgnettes qu'à Genève, Juliette eut un mouvement de répulsion qu'Adolphe remarqua. Sans rien dire, il laissa Juliette seule. Puis, au bout de 15 ou 20 minutes, il revint dans une calèche découverte attelée de 2 chevaux. « Puisque Vevey vaut Genève, dit-il, allons plus loin. Nous finirons bien par trouver quelques villages tranquilles. » Mais cela était plus difficile qu'il ne croyait, car toute cette côte du lac ne forme guère qu'une longue rue où les villas se joignent aux villas et où les hôtels succèdent aux hôtels. Partout des murs, des maisons, des magasins, partout des Américains, des Anglais, des Allemands. Ils traversèrent ainsi une série de villages qui se touchaient les uns les autres, La Tour, Clarens, Vernet, Montreux. « Nous irons jusqu'au Simplon, » disait Juliette en riant. Enfin, la nuit était faite depuis longtemps déjà, lorsqu'au haut d'une petite côte et en sortant d'une enfilade de murs, ils arrivèrent à un endroit de la route qui était ombragé par 2 grands arbres. Un hôtel entouré de jardins était bâti là. Ils s'arrêtèrent et renvoyèrent leur voiture. Si ce n'était point le désert et la solitude, c'était au moins la tranquillité. Une fille de service les conduisit à l'appartement qu'on pouvait leur donner. Les fenêtres de cet appartement ouvraient sur le lac, qui se trouvait à 100 mètres au-dessous de la véranda. En face, de l'autre côté du lac, dit-elle, sont les rochers de la Meillerie. Les bâtiments sombres que vous apercevez là, à gauche, dans l'eau, c'est le château de Chillon. Oh, la vue est jolie, vous en serez content. C'est dommage seulement qu'on n'ait pas pu vous donner l'appartement que vous demandiez, mais l'hôtel est plein. Nous avons beaucoup de mariés, il paraît que c'est la saison. Vous en avez pour voisin à gauche. Il se mit à faire les couvertures des lits, relevant le drap du dessus, dressant l'oreiller. Juliette passa rapidement sous la véranda et s'accoudant sur le balcon, elle regarda dans les profondeurs de la nuit le lac qui miroitait sous un rayon de lune. Quand elle se retourna, la femme de chambre était sortie et les bougies étaient éteintes. À la clarté de la lune, elle vit Adolphe qui promenait ses deux mains sur la cloison et semblait regarder à travers le mur. « Que faites-vous donc là ? » dit-elle, intriguée. « Il faut que vous sachiez, répondit-il, que les Allemands ne sont pas aussi naïfs qu'ils veulent le paraître. Quand ils arrivent dans une chambre, ils commencent par percer des trous dans les cloisons avec une vrille qu'ils portent toujours sur eux. Et par ces trous, ils regardent ce qui se passe chez leurs voisins. Comme notre femme de chambre peut être aussi bavarde avec nos voisins qu'elle l'a été avec nous, je n'ai pas envie d'être exposé à cet espionnage, et je prends mes précautions. » Si la clarté de la lune avait été plus vive, il eût vu le visage de Juliette s'empourprer. Et quoi ? Il connaissait ces dangers des hôtels, et c'était un hôtel qu'il avait choisi pour sa nuit de noces. Elle ne fit pas cette réflexion tout haut, mais le prenant par la main et l'amenant sur la véranda, elle lui montra des lanternes qui se balançaient sur l'eau. « Il y a là des bateaux de promenade, dit-elle. Si vous vouliez, nous pourrions en prendre un et passer notre soirée sur le lac. Il fait si beau !»